Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 69. Des effets du baptême. Le baptême efface tous les péchés, et décharge de toute la dette des péchés, mais il n'entre pas dans les desseins de Dieu qu'il détruise les maux de cette vie avant la résurrection générale. Il confère à l'homme, et même aux enfants, la grâce et les vertus, il ouvre les portes du ciel. En quel sens il ne produit pas chez tous un égal effet? La feinte en empêche l'effet. 1. Le baptême efface-t-il tous les péchés? Ézéchiel 36, 25, annonçait ainsi l'efficacité de ce sacrement, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures. » Considérez, écrivait saint Paul aux Romains, 6:3, baptisez, que, vous êtes morts au péché, et que vous vivez pour Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ. De telles paroles montrent que l'homme, par le baptême, meurt à la vie ancienne du péché et est initié à la vie nouvelle de la grâce. Il faut en tirer cette conclusion que le baptême efface non seulement le péché originel, mais tous les autres péchés. Note. Nous pouvons dire ici avec saint Paul, si le jugement de Dieu nous a condamnés pour un seul péché, sa grâce nous justifie après plusieurs péchés. Romains 5, 16. Saint Augustin, expliquant ce passage de l'apôtre, ajoute, la génération charnelle n'amène que le péché originel, mais la régénération spirituelle efface avec le péché originel tous les péchés volontaires. À quoi bon le baptême pour la rémission des péchés actuels, demandera quelqu'un. La pénitence, qui, selon ces paroles de saint Pierre, fait pénitence, et que chacun de vous soit baptisé, Actes des Apôtres, 2, 38, est nécessaire avant le baptême, ne suffit-elle pas? Les péchés, quels qu'ils soient, n'étant remis qu'en vertu de la foi à la passion du Christ, tout pénitent doit vouloir y participer, soit par le baptême, soit par le sacrement de pénitence. Il est vrai que l'adulte qui demande le baptême avec de vrais sentiments de pénitence obtient, en vertu de son dessein bien formé de le recevoir, le pardon de tous ses péchés, mais la rémission est plus parfaite, s'il le reçoit réellement. Toute la peine temporelle est pardonnée, ce qui n'a pas lieu sans le sacrement. Fin de la note. 2. Le baptême décharge-t-il de toute la peine due pour le péché? Le baptême, communiquant aux hommes les mérites de la passion du Christ, leur sert comme s'ils avaient souffert eux-mêmes pour expier leurs fautes. La passion du Christ est une satisfaction suffisante pour les péchés du monde entier. Ce sacrement décharge donc de toute la dette du péché. Note. Celui qui a reçu le baptême n'est tenu à aucune peine satisfactoire vis-à-vis de Dieu, mais il peut y être tenu à l'égard des hommes. S'il est un meurtrier, par exemple, la justice veut qu'il édifie la société en subissant sa condamnation, comme il l'a scandalisé en commettant son crime. Fin de la note. 3. Le baptême devait-il supprimer les maux de cette vie? Le baptême a la vertu de faire disparaître les pénalités de la vie présente, mais il ne les supprime pas avant la résurrection générale où le corps des justes revêtira l'immortalité. Ce délai est fondé en raison. D'abord, comme membres de Jésus-Christ, nous devons ressembler à notre chef et souffrir à son exemple. L'apôtre nous le dit, nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers du Christ, pourvu que nous souffrions avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, 17. Ensuite, ce délai nous ménage un exercice spirituel qui nous fait mériter, avec le secours de Dieu, la couronne des vainqueurs, par le combat qu'il nous donne lieu de livrer à la concupiscence et aux autres passions. Il est écrit, en figure de cette vérité, « Voici les peuples que le Seigneur a laissés pour former les Israélites, afin que leurs enfants apprissent après eux à lutter contre les ennemis, en contractant l'habitude des combats. » Juges 3:1. Enfin, ce délai porte les hommes à demander le baptême en vue de la gloire éternelle, et non pour s'exempter des maux de la vie présente, car saint Paul disait très bien, « Si nous n'espérons en Jésus-Christ que pour cette vie, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. » 1 Corinthiens 15-19. Note. Il y a deux sortes de peines pour le péché, la peine éternelle et la peine temporelle. Le baptême, qui détruit la première, ne supprime pas entièrement la seconde. La faim, la soif, la mort et les autres misères de la vie actuelle lui survivent, mais il prépare l'homme à ne plus les redouter, et, à la fin des temps, il les fera disparaître tout à fait. Fin de la note. 4. Le baptême confère-t-il la grâce et les vertus? Le baptême, ainsi que le dit saint Augustin, incorpore au Christ, en qualité de membre, ceux qui le reçoivent. Or, d'après cette parole, nous avons tous reçu de sa plénitude, Jean 1, 16, la plénitude de la grâce et de la vertu du Christ découle sur les membres du corps dont il est le chef, donc le baptême confère à l'homme la grâce et les vertus. 5. Convient-il d'attribuer au baptême certains actes des vertus? Nous sommes incorporés au Christ par le sacrement de baptême. Or, de même que, dans l'ordre naturel, la tête transmet aux membres le sentiment et le mouvement, de même, dans l'ordre spirituel, le Christ fait découler dans ses membres le sentiment spirituel, qui consiste dans la connaissance de la vérité, et le mouvement spirituel, que produit l'influence de sa grâce. C'est ce qu'exprime ce texte de saint Jean, 1, 14 et 16, « Nous l'avons vu plein de grâce et de vérité, et nous avons tous reçu de sa plénitude. » Ceux qui reçoivent le baptême sont donc à la fois incorporés au Christ, éclairés à l'égard des vérités de la foi, et fécondés pour les bonnes actions. Par conséquent, l'incorporation au Christ, l'illumination et la fécondation, actes de certaines vertus, peuvent être attribués à la grâce du baptême. 6. Les enfants reçoivent-ils au baptême la grâce et les vertus? Les enfants, comme les adultes, devenant membres de Jésus-Christ par le baptême, participent à la grâce et aux vertus qui découlent de leur chef. Sans cela, ceux qui meurent immédiatement après le baptême n'arriveraient pas à la vie éternelle. Les auteurs qui ont prétendu que le baptême donne aux enfants le caractère, mais non la grâce et les vertus, n'ont pas su distinguer entre une habitude et un acte. De ce que les enfants sont inhabiles à produire les actes des vertus, ils ont conclu sans fondement qu'ils n'ont aucune vertu après le baptême. L'impuissance d'agir résulte chez eux d'un empêchement physique, et non du manque d'habitude. Ils ressemblent à un homme endormi qui a les habitudes des vertus, mais à qui le sommeil en interdit les actes. Note. L'Église, comme une tendre mère, disait saint Augustin, prête aux enfants les pieds d'autrui pour venir à elle, le cœur d'autrui, pour croire, la langue d'autrui, pour confesser leur foi. Fin de la note. 7. Le baptême a-t-il pour effet d'ouvrir la porte du royaume céleste? Ouvrir la porte du royaume céleste, c'est écarter les obstacles qui empêchent d'y entrer, à savoir le péché et la peine du péché. Le baptême, qui efface tous les péchés et toutes les peines, a évidemment pour effet de l'ouvrir. Note. Il l'ouvre en unissant celui qui le reçoit à la passion de Jésus-Christ. Fin de la note. 8. Le baptême produit-il chez tous les hommes un égal effet? Le baptême produit deux sortes d'effets, l'un essentiel, l'autre accidentel. L'effet essentiel est le même dans tous les hommes qui le reçoivent de la même manière, ainsi, chez les enfants, qui sont baptisés dans la foi de l'Église, ce sacrement produit au même degré la régénération qui les fait vivre spirituellement. Mais, comme les adultes s'en approchent d'ordinaire avec des dispositions inégales, il produit en eux la grâce du renouvellement spirituel avec plus ou moins d'abondance. Un même foyer répand également sa chaleur pour tous, et cependant ceux qui s'en approchent de plus près la ressentent plus vivement. Quant aux effets accidentels que la puissance divine opère miraculeusement dans le baptême, et pour lesquels il n'a point été institué, tous les hommes qui s'en approchent avec une égale dévotion ne les reçoivent pas également. La divine providence les accorde suivant ses desseins. Note. La grâce baptismale, à son moindre degré, suffit pour effacer tous les péchés. Si elle paraît plus ou moins grande dans deux personnes, cette différence peut provenir de ce que l'une, y ayant apporté plus de disposition, l'a reçu avec plus d'abondance, ou bien encore de ce que, l'ayant reçu toutes les deux au même degré, l'une la cultive avec soin, tandis que l'autre la néglige. Fin de la note. 9. La feinte empêche-t-elle l'effet du baptême? Le Saint-Esprit, qui est le maître de la science, fuit le déguisement. Sagesse 1, 5. L'intention de celui qui reçoit le baptême doit embrasser en même temps le baptême lui-même et son effet. Or la feinte est opposée ou au baptême ou à son effet, elle consiste, soit à ne pas croire au sacrement de la foi, soit à le mépriser, soit à vicier son mode d'administration, soit enfin à le recevoir avec un cœur attaché au péché mortel. Il est clair qu'elle empêche l'effet du baptême. Note. Le but du baptême est de justifier ceux qui s'en approchent sans feinte, c'est-à-dire avec sincérité. Feindre, c'est faire semblant de vouloir ce que l'on ne veut pas, et c'est ce qui a lieu dans les cas dont nous avons parlé, car se présenter au baptême, c'est affirmer que l'on a la vraie foi, que l'on respecte le sacrement, et que l'on renonce au péché. Fin de la note. 10. La feinte cessant, le baptême produit-il son effet? Le baptême, dit saint Augustin, commence à produire son effet pour le salut, lorsqu'une confession sincère fait disparaître la feinte. Celui que l'on baptise reçoit le caractère et la grâce qui remet tous les péchés. La feinte empêche quelquefois ce dernier effet, mais, dès qu'elle cesse par la pénitence subséquente, le baptême le produit immédiatement, semblable à un corps pesant qui se meut de haut en bas, à moins qu'un obstacle ne l'arrête, et qui, l'obstacle enlevé, continue aussitôt son mouvement. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.